Vous êtes de retour à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, avec l'Allons des ondes. Et bien entendu, à ce temps-ci de l'émission, hein, la deuxième demi-heure commence toujours avec le commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur le site de québecpop.com ou sur ma page Facebook de Canrock, CANROCK. Et cette semaine, je vous parle d'un album qui s'appelle « Une autre bonne raison » de M. Daniel Gauguin. Sorti à l'automne 2019, l'auteur, compositeur, interprète acadien Daniel Gauguin nous présentait son cinquième album, Une autre bonne raison, nous livre un univers country classique, un peu à la Haggard, Jones et compagnie. Après cinq opus, eh bien, on a droit à s'attendre à un produit bien fignolé et intéressant. Eh bien, Daniel Gauguin nous donne plus que ça. Il nous livre 10 plages country des plus solides, très généreuses au niveau des instrumentations, que ce soit le piano, la guitare et même la steel guitar. Les textes sont aussi bien écrits et très country, sans être une pastiche, là, au contraire. C'est un album country fort intéressant. Bien entendu, je vous donne toujours une adresse pour aller découvrir l'univers de l'artiste. C'est www.danielgauguin.com. Gauguin, G-O-G-U-E-N. Donc, www.danielgauguin.com. Ou encore Distribution Plage, www.plage avec un S.net. On va y aller comme première pièce. J'ai pensé peut-être vous donner... La pièce titre de l'album, une pièce assez intéressante avec une touche d'humour à l'intérieur, vraiment fort intéressant. Voici Daniel Gauguin et sa chanson « Une autre bonne raison ». De quelqu'un que j'avais jamais vu, que j'aurais jamais dû. Elle m'a dit on est mariés depuis hier soir. Une autre bonne raison pour que j'arrête de boire. C'est une autre bonne raison pour que j'arrête de boire. Autour de moi tout est viré à l'envers. Je m'en rappelle même plus de tout ce que j'ai fait hier. Une autre bonne raison pour que j'arrête de boire. Un truc sort d'histoire qui est venu me raconter. Il compte que c'est moi qui a tout denté son corps. Une autre bonne raison pour que j'arrête de boire. C'est une autre bonne raison pour que j'arrête de boire. Autour de moi tout est viré à l'envers. Je m'en rappelle même plus de tout ce que j'ai fait hier. Une autre bonne raison pour que j'arrête de boire. J'avais pas fait la fête. Ça va prendre pas mal de temps pour enlever mon mal de tête. Ça va prendre toute ma paye juste pour payer mon bartel. Une autre bonne raison pour que j'arrête de boire. C'est une autre bonne raison pour que j'arrête de boire. Autour de moi tout est viré à l'envers. Je m'en rappelle même plus courses que j'ai fait hier. Une autre bonne raison pour que j'arrête de boire. Quelles pièces sont meilleures que d'autres révèle presque d'un exploit herculéen. Du début jusqu'à la fin, on est invité à savourer des mélodies solides aux arrangements exceptionnels. Il faut que tu joues du country et même si tu le dis pas, ce sont deux pièces irrésistibles qui nous invitent à la danse. Rien n'a changé et Étranger sont deux autres chansons magistrales pour valser avec sa belle. Cette dernière étant sans contredit la meilleure du disque, Daniel Gauguin nous offre également deux belles interprétations par héritage de Frank Mallet et aussi à la cabane à faire à cheval de Raymond Savoie. Il termine son album par une originale en anglais, il faut tendre l'oreille pour Just Gotta Know. Vraiment très intéressant, allez voir ça, danielgauguin.com. Je vais y aller avec une autre pièce qui vous invite à la danse, donc tossez la table de salon. Voici Daniel Gauguin de l'Acadie avec sa chanson « Même si tu le dis pas ». Ça fait plusieurs soirées que t'arrives très tard. Et aujourd'hui j'ai su qu'à job t'arrives souvent en temps. J'entends parler ben trop souvent. Dans les histoires du village, j'entends souvent ton nom. Même si tu le dis pas, je sais que tu t'en vas. Je peux le voir dans tes yeux, qu'un autre que tu veux. Même si t'es encore ici, ton cœur y est parti. Même si tu le dis pas, je sais tu t'en vas. Que je t'en parle. Non, ça ne vaut plus la peine, sauf si bien que je m'en aille. Moi j'en ai eu assez, je n'attends plus pour toi. C'est bien triste que notre histoire se termine comme ça. Même si tu le dis pas, je sais que tu t'en vas. Je peux le voir dans tes yeux, qu'un autre que tu veux. Même si t'es encore ici, ton cœur y est parti. Même si tu le dis pas, je sais que tu t'en vas. Même si tu le dis pas, je sais tu t'en vas. Après 5 albums, Daniel Gauguin sait comment nous séduire en restant Daniel Gauguin. Son dernier opus, Une autre bonne raison, est une preuve tangible du talent immense de cet auteur, compositeur, interprète acadien. Avec un album solide, des mélodies accrocheuses, générosité des instrumentations dans les arrangements et des textes bien peaufinés. Il nous captive dans son univers des plus agréables, donc si vous connaissez ou vous connaissez pas Daniel Gauguin, peu importe, allez faire un tour sur danielgauguin.com ou encore distribution plage www.plage.net pour mettre la main sur cet album-là qui est sorti à l'automne, l'album Une autre bonne raison. On va y aller avec pas une originale, mais une reprise, une interprétation d'un grand classique de Frank Maillet. Voici tout simplement l'auteur, compositeur, interprète Daniel Gauguin et une excellente chanson. Voici Par héritage. Par héritage, je suis acadien. Par héritage, je parle le langage comme le faisaient bien tous nos vieux anciens dans les plus beaux de nos vieux villages. À partir de la Nouvelle-Écosse et aussi bien sûr l'île du Prince-Édouard, dans le Nouveau-Brunswick nous rapproche d'une grandeur que nos yeux ne peuvent voir. Par héritage, je suis acadien. Par héritage, je parle le langage comme le faisaient bien tous nos vieux anciens dans les plus beaux de nos vieux villages. Tout à fait différent de nos voisins vivant au nord. Je vous le dis, mes amis, sincèrement, le français acadien n'est point mort. Par héritage, je suis acadien. Par héritage, je parle le langage comme le faisaient bien tous nos vieux anciens dans les plus beaux de nos vieux villages. Misère qu'ont souffert nos parents pour établir et unir notre pays. Par héritage, oui, nous le voyons, rien ne prendra nos droits d'Acadie. Par héritage, je suis acadien. Par héritage, je parle le langage. Par héritage, je chanterai bien les chansons les plus belles du paysage dans les plus beaux de nos vieux villages. Chanter, ah, que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans, ah, je vais chanter, ouais, je vais chanter. vais chanter. Ah, je vais chanter afin de pouvoir nous rapprocher. Chanter pour mettre les accents là où il le faut. Faut se lever, il faut célébrer notre place. Aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur. Là où il le faut, faut se lever, il faut célébrer notre place. Aujourd'hui pour demain, notre place pour un avenir meilleur. Oh, oh. Notre place, donnons-nous la main. Il n'y avait pas de meilleur souvenir pour débuter le bloc de l'Est-Québec-Ontario avec tout simplement l'emblème, le hymne de franco-ontarien par excellence, M. Paul Demers et sa chanson « Notre place ». Très, très, très beau souvenir. Et ça fait déjà quelques années que M. Demers nous a quittés. On s'ennuie encore de lui. Hein? C'était un bon gars, un gars très sympathique, bien le fun à rencontrer, très bon musicien, très bon auteur, compositeur, interprète. Et il avait écrit avec François Dubé cette chanson-là, « Notre place ». Donc, et c'est l'emblème, l'hymne national des Franco-Ontariens. Donc, c'est avec plaisir que je l'ai fait jouer. Je vous invite à le faire un tour sur ma page Facebook de Canrock, CAN-ROCK. Il y a toujours beaucoup d'informations que je partage. Je partage des photos, des informations, des clips aussi. Et cette semaine, j'ai partagé deux petits clips de fierté un peu, si on peut ainsi dire. Il y a tout simplement M. Damien Robitaille qui, tout au long, depuis plusieurs mois, là, pendant la pandémie, à chaque jour, nous faisait une chanson comme telle. Eh bien, la chanson 95 de sa série de pandémie, eh bien, c'est francophone, tiré de son premier album, Super Bonne Toune, fort intéressant. Donc, ça s'en vient dans quelques instants. Et il y a aussi un petit clip de la formation Sugar Crush qui nous font la pièce « Mon Petit » sur ma page Facebook. On va l'entendre justement pour se rendre à la pause de l'heure. « Mon Petit » de la formation Sugar Crush. Mais pour l'instant, Damien Robitaille, Franco Fun. Pas besoin de mes pieds, sont bons rien sauf pour marcher. Enlever mes mains, elles sont toujours dans mon chemin. Je veux seulement garder ma langue, je ne veux pas la peine, non, elle n'a pas avant. Les autres langues, elles sont bonnes. C'est le fun, francophone. tellement chanceux. Je veux seulement garder ma langue. Je ne veux pas la perdre. Non, elle n'a pas la vente. Les autres langues, elles sont bonnes. C'est le fond, les francophones. Elle est amie, pouvez-vous voir. Ce que je vous ai dit, c'est rien qu'une métaphore. Avec mes pouces et tous mes doigts, laissez-moi sonner. Je veux rien communiquer. Juste m'en garder ma langue. Je ne veux pas la perdre. Non, elle n'a pas à vendre. Les autres langues sont bonnes, mais c'est le fond d'être francophone. Hey, les amis, pouvez-vous voir. Ce n'est pas une petite maison. ici t'asseoir, puis on va boire jusqu'à plus bière ici t'asseoir. Mais laissez-moi prendre une autre gorgée de la bouteille qui est déjà débouchée. Moi je veux que ça brasse, gênez-vous pas ici t'asseoir. Moi je veux vous voir danser vos vies ici t'asseoir comme des enfants. Sans surveillance au jour de l'an ou d'un party, t'es fraîchement gradué. Buvons un coup, virons en une ici t'asseoir pour que votre show resterait en cours ici t'asseoir. Mais laissez-moi aller prendre une autre gorgée de la bouteille qui est déjà débouchée. On va chanter jusqu'à plus boire ici t'asseoir, puis on va boire jusqu'à plus bière ici t'asseoir. Mais laissez-moi prendre une autre gorgée de la bouteille qui est déjà débouchée. Et portez-le au frontibus, au nétibus, au mentonbus, à l'aquarium, au pisodrome. Si vous voulez être des nôtres, buvez votre bière comme les autres, allez à vous. Igloo, igloo, igloo. Puis demain, on va se souvenir d'ici t'asseoir, on vous promet une belle soirée, c'est à soir. Mais laissez-moi aller prendre une autre gorgée de la bouteille qui est déjà débouchée, de la bouteille qui est maintenant terminée.